Vous savez tous exactement qui je suis. Les petits sont du père, ont rien prouvé. Mais regarde mal, sont mal polis. Et dans leur tête, c'est Gennaro. En bas de chez eux, c'est Napoli. Y'a plus rien à voir, faut suivre le troupeau. Ouais, faut croire Esther. Les idées sont noires, la Esther. Comme les Lannister. T'as vu la sortie, mais c'est pire l'entrée. Une tête de trop vient de tant qu'Irlandais. Un regard à gauche, un regard à droite. On fait tous tes sauts comme des Irlandais. J'suis à London, j'suis pas d'ici. J'suis parisien, j'm'en bats les couilles. Que la fin du film, on se barre d'ici. On ramasse rien, à part les douilles. Ça tourne en rond comme le DVD. Hallucinogène comme le PCP. Le terre est jaune, le bise est noir. Tout en jaune et noir comme le PVP. La vue sur la mer comme le Carlton. Voyager en jet comme les Walton. La force des Daron, pas de ces tas de connes qui t'envoie au D4 comme les Dalton. Les petits sont du père, ont rien prouvé. Mais regarde mal, sont mal polis. Et dans leur tête, c'est Gennaro. En bas de chez eux, c'est Napoli. Y'a plus rien à voir, faut suivre le troupeau. Ouais, faut croire Esther. Les idées sont noires, la Esther. Comme les Lannister. J'ai pas le milliard, rien à fêter. Tu veux le royaume, t'as pas d'épée. Mes gants sont noirs, mon casque est noir. Mon cœur est noir, y'a pas d'été. La route est longue de Rome à Paris. Dans le Bourbier depuis Atari. En noir et blanc comme un Katami. J'vais vu sur le désert comme un Qatari. Fuck c'est rare, ouais fuck t'es gros. Fuck tes subs, attaque sub zéro. Parti de rien, ouais je sais que c'est rare. Mais je veux des comptes à 7-0. Le chant des balles dans le solfège. Chaque son un classique comme un Scorsese. Au sommet du monde comme un Cortez. Drapeau noir et rouge dans le cortège. Photo blanchière, ouvre cadeau de store. Enlève tes pieds du tableau de bord. Du sang des larmes sur le roadster. 4 morts partout sur tableau de score. On joint nos pieds dans le ciment. Changement d'effectif tous les 6 mois. On refait pas le monde avec 6 mais. À la conquête du monde comme les Chinois. Les petits sont du père, ont rien prouvé. Mais regarde mal, ils sont mal polis. Et dans leur tête, c'est Gennaro. En bas de chez eux, c'est Napoli. Y'a plus rien à voir, faut suivre le troupeau. Ouais, faut croire Esther. Les idées sont noires, la Esther. Comme les Lannister. Les petits sont du père, ont rien prouvé. Mais regarde mal, ils sont mal polis. Et dans leur tête, c'est Gennaro. En bas de chez eux, c'est Napoli. Y'a plus rien à voir, faut suivre le troupeau. Ouais, faut croire Esther. Les idées sont noires, la Esther. Comme les Lannister.